Fais pas le con, on est bon qu'à gifler la concu. Et ouais, l'argent peut te rendre bête, le terrain est tour comme une deux buts. T'es TMP, mais ton pote tu te dis que t'es chaud. Du côté X toujours au cachot. Et tu connais le gars qui est caché, c'est mon enfant que le but tu m'as gâché. La cam enveloppée dans des sachets, on te ligote pour 6 chiffres. Les litrons sont entassés dans le coffre, ça rappe fort, ça frappe fort. Et c'est ta défense qu'on perd fort. Je suis là pour les fourrer, beaucoup de bœufs comme une forêt. Régale le truc et vous courez, ok c'est beau tout est carré. Épisode 7, coupage de tête, d'abord tu guettes, ensuite tu gères ça. Possession de balles comme le Barça, les cartes du peupon vont les percer. On passe les rapports, cuisine la pure. La fumée de mon âge qui s'évapore. Je suis affamé de zaïre comme un vampire. Fais Bélec, bats les couilles de ta vie. Devant les bleus, passe pas aux aveux. Dès que je fais feu, je fais un vœu. On est dans la broche, elle fait ce que je veux. Je fais tout pour y arriver, j'ai très peu d'alliés. Je suis dans l'escalier, mais il y a ce son lié. Bien coffré sous le lit. Le déchet marocain me canalise, on les a mis. Ça dans cette banalisée au Binel. Doux, de doux, là de doux, un cylindre. J'écharpe, viens de passer la douane. Est-ce que tu cacques, me resserre un cop. Et c'est ma grosse step que tu copes. Et si tu parles de nous aux flics, c'est en dessous d'un pot qu'on te retrouve. Je comprends que t'es la frousse. Sacoche, yampli, détail, gyrophare, on détaille, embrouille sur le métal. Tu parles, tu jacques, beaucoup trop on t'éteint. C'est nous les plus têtus, quand on arrive tu te tais. C'est une grosse kerba, mais t'es pas après tu lui fais des bisous. C'est une grosse kerba, mais t'es pas après tu lui fais des bisous. Jeune Sapolog Z, quand je tiens la bombe tu zen. Jeune Sapolog Z, quand je tiens la bombe tu zen. Quoi dans le plan fais pas mes gras, tu sens la haine derrière le micro. Le produit est froid dans le frigo. Casse-toi, tu veux tes gras. On fait que de vis qui la patrouille. C'est dans ton bloc qu'on vous mitraille. On fait que de vis qui la patrouille. C'est dans ton bloc qu'on vous mitraille. T'as passé toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. Normal. Toute ta vie au fond du hall.